Chapitre 2e. Harry Clavering fait choix d'une profession. Harry Clavering était alors en vacances, bien qu'il ne fût pas maître d'études. Il n'était pas au gage d'un chef d'institution, mais avait été choisi par établissement public, sur plus de 100 candidats munis de certificats et de lettres de recommandation. Il recevait 300 livres par an, ce qui n'est pas l'appointement d'un maître d'études. Et cependant, il avait ce mot sur le cœur et il souffrait de penser qu'il n'était dans sa famille que parce qu'il avait des vacances. Il avait pris le parti d'en finir avec cette situation. À Noël, il quitterait l'établissement où il avait eu tant de peine à se faire admettre et choisirait une autre profession. Il voulait devenir ingénieur civil et peut-être inspecteur des travaux publics, et pour s'y préparer, il entrerait en apprentissage dans la grande maison de Belbey et Burton. Les conditions mêmes avaient été discutées. Il déposerait une somme de 500 livres et irait travailler chez M. Burton, alors établi dans la ville de Stratton, et y resterait un an avant d'entrer dans les bureaux de M. Belbey à Londres. Stratton était à un peu moins de 20 milles de Clavering. Il éprouvait un vrai plaisir à penser qu'il pourrait payer ses 500 livres avec ses propres économies, sans rien demander à son père, car il avait gagné cet argent pendant les deux dernières années dans ses fonctions pédagogiques. Quand il eut quitté Julie Brabazon dans le jardin, Harry Clavering ne rentra pas tout de suite au presbytère, mais il s'égara longtemps tout seul dans le parc, se repaissant des souvenirs de son roman passé. Tout était fini. Il ne fallait plus penser à voir le cœur de Julie Brabazon. Et à cette heure, il se demandait s'il allait devenir à jamais malheureux par suite de son égoïsme et de sa perfidie, ou bien s'il lui emprunterait un peu de sagesse mondaine et se déciderait à regarder le passé comme un poétique incident de sa jeunesse. Pour le moment, il s'abandonna entièrement à sa douleur et se crut condamné à être éternellement malheureux. Un chagrin poignant lui étreignait le cœur au point de produire presque une douleur physique, et lui paraissait à lui-même un véritable martyr. Pourquoi ce riche lord débauché et de réputation douteuse aurait-il le pouvoir d'éloigner la coupe de ses lèvres, de lui arracher son bien, de lui enlever son trésor? Irait-il se battre avec lord Ongar? Mais non, il ne le pouvait pas, le monde s'y opposait. Du reste, Harry Clavering éprouvait un tel mépris pour lord Ongar qu'il n'avait aucune envie de se battre avec un être aussi misérable. Lord Ongar avait eu des attaques de délirium tremens. Sa personne était usée et chétive. Telle était du moins l'idée que Harry était disposé à s'en faire. Et après tout, ce n'était pas lord Ongar qui le préoccupait le plus. Toute sa colère se tournait contre Julie, contre celle qu'il avait abandonnée pour un être misérable, n'ayant pour lui que le rang et la fortune. Mais tout espoir était perdu. Lui, qui l'avait tant aimée, se voyait réduit à l'impuissance. Il ne pouvait ni la sauver, ni la ramener à lui. Dans un mois, les cloches de l'église allaient sonner, et son propre père irait bénir l'union projetée. À moins qu'une mort providentielle ne vînt enlever lord Ongar, tout était perdu, et Harry ne comptait guère là-dessus. Dans la douleur qui l'accablait, il se disait qu'il serait à jamais malheureux, non pas trop malheureux, pour pouvoir encore se livrer au travail, mais assez pour que le monde n'eût plus aucun charme pour lui. Mais que pouvait-il faire? Comment surtout faire savoir à Julie qu'il ne renonçait pas à elle sans éprouver un sentiment beaucoup plus profond que ses paroles n'avaient pu le dire? Il sentait que dans leur dernière entrevue, elle avait eu le dessus, qu'il avait parlé presque comme un enfant, et qu'elle avait raisonné comme une femme de sens. Elle l'avait traité de haut en bas avec cette supériorité que la jeunesse et la beauté donnent à une jeune femme sur un jeune homme. Que faire donc? Avant d'être arrivé au presbytère, il avait pris un parti, et le lendemain matin, Julie de Brabazon recevait par l'intermédiaire de sa femme de chambre le billet suivant. « Je crois avoir compris tout ce que vous m'avez dit hier. En tout cas, j'ai compris qu'il vous restait une inquiétude et je crois avoir le moyen de la faire disparaître. Tout ce que vous trouverez ci inclus m'appartient, et je puis en disposer comme il me plaît. Vous pouvez aussi compter sur la bonne foi du prêteur. » Harry Clavering. Cette lettre contenait un chèque de 600 livres sterling. C'était ses économies depuis qu'il avait commencé d'enseigner, et c'était cet argent qu'il avait l'intention de remettre à M. Belbey et Burton pour prix de son apprentissage. Mais il était disposé à attendre 2 ans de plus, à continuer ses fonctions de maître d'études pour l'amour d'elle. qu'importait ce sacrifice à un homme destiné à être toute sa vie malheureux. Sir Hughes n'était pas à Clavering. Il devait arriver avec Lord Ongar la veille de l'ouverture de la chasse. Les deux sœurs occupaient donc la maison à elles seules. Vers midi, elles se trouvaient toutes les deux à déjeuner dans une petite pièce au premier étage, voisine de la chambre à coucher de Lady Clavering. Julie Brabazon avait dans sa poche la lettre généreuse de son amant. Elle savait que cette lettre était aussi déplacée que généreuse et partant qu'elle renfermait un danger grave. Quel en sera le résultat si Lord Ongar venait à apprendre qu'elle avait reçu une lettre pareille? Sans être précisément fâchée contre Harry, elle s'était dit 20 fois que ce cher garçon était insensé et indiscret. Mais que faire de ce chèque? Elle n'avait pas encore pris de décision à cet égard quand elle rejoignit sa sœur. Elle ne voulut pas dire à Hermione elle-même qu'elle avait reçu une pareille lettre. Ses dettes n'en étaient pas moins pour elle une douloureuse préoccupation. Et cependant, quelle bagatelle c'était en comparaison de la fortune immense de l'homme qui allait devenir son mari dans 6 semaines? Ne pourrait-elle pas l'épouser et le laisser ignorer cette affaire? Il lui serait facile alors de s'acquitter sans que son mari le sût, sans qu'il n'en entendît jamais parler. Elle avait peur de lui néanmoins, sachant qu'il était très attaché à l'argent. Et puis, pour lui rendre justice, il faut dire qu'elle regardait comme une bassesse d'apporter des dettes à son mari. Elle possédait 5 000 livres sterling. Mais le contrat de mariage qui lui conférait un si riche douaire et faisait de cette alliance une si brillante affaire, transférait à son mari la propriété de tout ce qu'elle avait. Elle aurait dû faire part de ce détail au notaire quand il lui avait présenté le contrat pour la signature, mais elle n'avait pas osé le lui dire. Si Sir Hughes Clavering eût été son frère, il n'y aurait pas eu la moindre difficulté. Mais il n'était que son beau-frère, et comment aborder cette question avec lui? Sa sœur, néanmoins, était au courant de sa situation et elle ne craignait pas de lui en parler. « Hermione, lui dit-elle, que dois-je faire au sujet de mes dettes? J'ai reçu la note à payer de Cold Clock ce matin même. Sans doute parce qu'il sait que vous allez vous marier. Probablement, mais comment le payer? Faites-le attendre jusqu'au printemps. Je ne vois pas d'autre parti. Vous aurez de l'argent à coup sûr quand vous reviendrez du continent. Vous ne pourriez pas me prêter, moi? M'avez-vous jamais vu de l'argent entre les mains depuis que je suis marié? On me donne un semblant de pension, mais l'argent est dépensé longtemps avant que je le touche, et je suis toujours endetté. Pensez-vous que Hughes voulut me prêter la somme? Comment, lui? Ce ne serait pas une si grosse affaire pour lui. Je ne lui ai encore rien demandé. Je craindrais qu'il ne vous fît une réponse désagréable si vous lui demandiez. Mais vous pouvez essayer. Eh bien, que dois-je faire? Lord Ongar aurait dû vous laisser la propriété de votre fortune. Hughes a bien réclamé la vôtre, c'est vrai. Mais qu'est-ce que votre argent pour Lord Ongar, qui a 60 000 livres de rente? Nous, au contraire, nous n'en avons que 7 ou 8 000. Ensuite, je n'avais pas passé la saison à Londres, et ce n'est pas à Nice que je pouvais faire des dettes. Encore une fois, que faire? Écrivez à Lord Ongar, et priez-le de vous céder la somme dont vous avez besoin sur votre propre dot. Écrivez de suite, afin qu'il ait votre lettre avant de venir ici. Que va-t-il dire? C'est la première fois que je lui écris, et c'est pour lui demander de l'argent. Je ne vois pas qu'il puisse vous en vouloir pour cela. Je ne sais pas comment m'y prendre. Voulez-vous écrire la lettre pour moi et me la montrer ensuite? Lady Clavering y consentit. Sans cela, je crains bien que le chèque du pauvre Harry n'y eût passé. La lettre écrite par Lady Clavering commençait par les mots « Mon cher Lord Ongar ». Elle fut copiée et signée « Votre très affectionné Julie Brabazon ». La réponse fut l'envoi d'un chèque de 1 000 livres sterling dans un charmant billet de Lord Ongar qu'il apporta lui-même à Clavering et le fit remettre à Julie au moment où elle s'habillait pour dîner. Cette solution était des plus satisfaisantes et Julie reçut avec joie cet argent qu'elle savait être une partie de ce qui lui appartenait en propre. Le même jour, le chèque de Harry lui fut envoyé avec ses seuls mots écrits sur un morceau de papier. « Il va sans dire que je ne puis pas accepter et que vous n'auriez pas dû m'envoyer cet argent. » Julie Brabazon avait pris soin de déchirer la signature du chèque afin qu'il ne pût servir de rien au cas où il viendrait à s'égarer. Henry, lui, n'avait pris aucune précaution de ce genre, mais aussi, il n'avait pas vécu 2 ans à Londres. Après l'envoi de son chèque, Harry avait dit à son père qu'il était possible qu'il revînt sur son projet d'aller chez M. Bailey et Burton. Il était, disait-il, encore indécis. De son côté, M. Clavering désapprouvait fort les projets de son fils. celui-ci avait suivi jusqu'alors une carrière honorable et pleine de succès. Entré de bonne heure à Cambridge, il était devenu à 22 ans agrégé de son collège. Ce grade universitaire pouvait le conduire à un bénéfice et en attendant lui fournir les moyens de vivre. Harry, travaillant avec une énergie qu'il n'avait certes pas héritée de son père, avait déjà réalisé des économies. Il était bien possible que, à eux deux, le père et le fils, ils puissent acheter la prochaine présentation pour le bénéfice de Clavering, quand Sir Hugh se décidera à vendre son droit de patronage. Car on n'avait jamais cru au presbytère qu'il vint à l'esprit de faire présent à son cousin d'un bénéfice appartenant à la famille. Mais il se pouvait qu'il le cédât à des conditions moins onéreuses à un parent qu'à un étranger. Pour toutes ces raisons, le père désirait que son fils poursuivît la carrière à laquelle on l'avait destiné. Mais lui, homme sans énergie et qui n'avait presque rien fait pour son fils, ne pouvait pas imposer sa volonté à un jeune homme d'une volonté énergique et qui s'était tiré d'affaire tout seul jusqu'à ce moment. Harry était donc l'arbitre absolu de sa destinée. Aussi, quand il reçut son chèque qui lui avait été renvoyé par Julie Brabazon, il revint aussitôt à son projet d'aller chez M. Bailey et Burton et saisit la première occasion pour informer son père de sa décision. Après déjeuner, il suivit son père dans son cabinet, et là, s'étant assis tous deux dans deux fauteuils en face l'un de l'autre, ils allumèrent chacun un cigare. Telle était l'habitude du révérend gentleman, le matin et dans l'après-midi. J'ignore si le fait de fumer 4 ou 5 cigares par jour est aujourd'hui reproché à un clergyman, mais dans tous les cas, c'était le seul défaut, si c'en est un, que l'on put reprocher à M. Clavering. C'était un homme bon, au cœur tendre, aux manières gracieuses, plein de tendresse pour sa femme qu'il regarda toujours comme l'ange gardien de sa demeure. Indulgent pour ses filles qu'il idolâtrait, plein de patience avec ses paroissiens et attentif, mais non outre mesure, à remplir les devoirs de sa profession. Il avait eu la vie trop douce et vécu dans un milieu trop étroit. Aussi avait-il contracté des habitudes de paresse. Le monde lui avait donné beaucoup de jouissances et trop peu de besognes à faire. Et encore, avait-il à peine assez d'énergie pour s'acquitter de cette faible tâche. Son bénéfice lui rapportait 800 livres sterling, et la dot de sa femme doublait ce revenu. Il s'était marié de bonne heure, avait eu de bonne heure son bénéfice, et sa vie avait été une suite de succès. Pourtant, il n'était pas heureux. Il sentait qu'il avait différé l'action tant et si longtemps que le moment de l'action était passé pour lui. Sa bibliothèque était bien fournie, mais il lisait à peine autre chose que des romans et de la poésie, et depuis quelque temps même, il avait tout à fait renoncé à la poésie pour ne lire que les romans. 10 ans auparavant, c'était un chasseur, non pas chasseur forcené, mais s'adonnant à la chasse comme un sportsman modéré. Puis était venu un nouvel évêque qui l'avait fait appeler. Ensuite avait fini par venir le trouver, il l'avait admonesté à ce sujet avec un ton impérieux. « My lord, » lui dit le recteur de Clavering, en qui se réveillait un peu son ancienne énergie, en même temps que son visage s'empourprait, « je crois que vous avez tort. Je crois que vous avez surtout tort de venir me sermonner ainsi à la première visite que vous nous faites. Assurément, vous croyez de votre devoir d'en agir ainsi. Il me semble que vous comprenez mal votre devoir. Néanmoins, comme il ne s'agit pour moi que d'un plaisir, j'y renoncerai. » À partir de ce moment, le recteur n'alla plus à la chasse, mais jamais non plus il ne dit à personne un mot en bien sur le compte de son évêque. Pour moi, je suis d'avis que les ecclésiastiques ne doivent pas chasser. Mais si je me fusse trouvé dans le cas de M. Clavering, j'aurais chassé 2 fois plus. M. Clavering cessa d'aller à la chasse, mais il fuma un bien plus grand nombre de cigares. Il avait plus de temps à sa disposition, mais il n'en consacra pas pour cela davantage au devoir de sa profession. Je ne saurais trop dire le temps qu'il y consacrait. Il avait avec lui un vicaire des plus laborieux qu'il laissait libre de faire à peu près à sa guise dans la paroisse. Il s'opposait aux offices de la semaine, disant qu'il ne voulait pas rendre l'église ridicule, mais sur tous les autres points son vicaire était son curé. Tous les dimanches il lisait le service. Tous les dimanches, il prêchait 1 fois, et il passait dans son presbytère 10 mois sur 12. Sa femme et ses filles visitaient les pauvres pendant qu'il fumait des cigares dans sa bibliothèque. Bien qu'au-dessous de la 50aine, il devenait gras et paresseux, marchait avec peine, et ne se souciait même plus d'aller à cheval, bien que l'évêque le lui eût permis. Enfin, pour comble de mal, il avait parfaitement conscience de sa position. « Je vois bien la bonne voie, disait-il, et je suis la mauvaise. » Il se disait cela tous les jours et se le répétait, mais sans espoir. Sa femme avait renoncé à la partie. Elle avait renoncé à réveiller l'activité assoupie de son mari et l'avait, pour ainsi dire, abandonnée. Non pas qu'elle lui témoignât moins d'amour ou de respect. Jamais son regard ne trahit le moindre mépris. Jamais sa voix ne prit le ton du reproche. Mais enfin, elle avait clairement donné à entendre qu'elle désespérait de lui. Il le savait et il comprenait très bien qu'il en devait être ainsi. « C'est une affaire bien sérieuse, » dit M. Clavering, en réponse aux confidences de son fils. « C'est une des plus sérieuses qui puisse préoccuper un homme, mais ce n'est pas une raison pour la renvoyer indéfiniment. Si je me décide à changer de carrière, le plus tôt sera le mieux. Mais hier, vous aviez d'autres idées ?»« Non, pas précisément, mon père. Je croyais que j'aurais besoin de mon argent pour une autre affaire pendant un an ou deux, mais j'ai renoncé à cette idée. » « C'est donc un secret ?»« Oui, parce que cela intéresse une troisième personne. » « Je devine. Vous vouliez prêter votre argent à quelqu'un. » « Je suis obligé de me taire là-dessus, bien que je n'ai guère de secret pour vous. J'ai renoncé à cette idée. » « J'ai l'intention de partir pour Stratton demain et de dire à M. Burton que j'irai chez lui à Noël. Il faut que je sois mardi à Saint-Cuthbert. » Tous deux gardèrent le silence un instant, regardant les spirales de fumée qui montaient de leurs cigares. Le fils avait dit tout ce qu'il avait à dire et ne demandait qu'à en finir au plus vite. Mais le père avait bien des choses à dire et il cherchait à les exprimer sans se donner trop de peine, et surtout sans avoir l'air de s'accuser lui-même. « C'est donc une affaire entendue, » dit-il enfin, « que vous ne voulez pas entrer dans l'église ? Je le crois, mon père. Et pourquoi cela ? Je vois d'excellentes raisons pour vous décider en faveur de cette carrière. Votre éducation vous y a préparé. Votre réussite vous est garantie par vos grades universitaires. Vous êtes déjà à moitié dans cette profession. Vous quittez une profession pour en choisir une autre. Vous faites de vous une pierre qui roule. Je suis d'avis qu'une pierre doit rouler jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la place qui lui convient. Pourquoi ne chercheriez-vous pas une église à Londres ? Vous n'auriez qu'à lever la main pour en trouver une. Si cela ne vous suffit pas, je vous donnerai ce qu'il vous faudra en plus. Non, mon père, non. Si Dieu le veut, je ne vous demanderai jamais une seule livre. Je crois que je puis gagner ma vie. Je n'en doute nullement. Eh bien, alors pourquoi ne pas me laisser suivre mon inclination ? Le fait est que je ne me sens pas propre à faire un bon clergyman. Auriez-vous des doutes en matière religieuse ? J'en aurais peut-être, si je venais à y songer sérieusement. Mais ce n'est point la question. Je ne pourrais jamais me soumettre à des règles de convention. Un clergyman révolté fait triste figure devant le monde, et je sens que je me révolterai. Dans notre église, la vie d'un clergyman, à peu de choses près, ressemble à celle d'un laïc. Pourquoi donc l'évêque vous a-t-il interdit la chasse ? L'évêque Brodie était un homme vulgaire et importun, et subissait en cela l'influence de sa femme qui le mène en toutes choses. Mais si vous étiez dans les ordres, je ne voudrais pas vous voir adonné à la chasse. Il me semble qu'un clergyman a autre chose à faire qu'à prêcher et enseigner. Voyez, Monsieur Saul. Monsieur Saul était le vicaire de Monsieur Clavering. Il est toujours à enseigner et à prêcher. Il fait tout ce qu'il peut. Et quelle vie que la sienne. Il a renoncé à tous les soucis de ce monde. Mais aussi, chacun rit de lui et personne ne l'aime. Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur homme au monde, mais je ne voudrais pas d'une pareille vie. Il y eut encore un moment de silence. Monsieur Clavering jeta le bout de son cigare au feu et reprit. « La vérité est, Harry, que vous avez toujours eu un mauvais exemple sous les yeux. Mais non, mon père. Si, laissez-moi parler jusqu'au bout. Et alors, vous direz ce que vous voudrez. En moi, vous avez un mauvais exemple dans un sens, en M. Saul, un mauvais exemple dans l'autre. Ne pouvez-vous pas vous figurer une vie tenant le milieu entre la sienne et celle que je mène ? Oui, assurément, et c'est mon devoir de vous le dire. Quant à M. Saul, il est impossible que vous puissiez jamais lui ressembler. » Ce n'est pas qu'il mortifie sa chair, car il n'a pas de chair à mortifier. Il est insensible au goût de la venaison, au parfum des roses, à la beauté d'une femme. C'est un échantillon à part de l'espèce humaine, et vous n'avez pas à craindre de jamais lui ressembler. » À ce moment, ils furent interrompus par l'entrée de Fanny Clavering, qui venait de dire que M. Saul était au salon. « Qu'est-ce qu'il veut, Fanny ? » dit le père à voix basse, mais avec une expression comique sur son visage, indiquant la crainte d'être entendu par M. Saul, exprimant en même temps le désir d'échapper à M. Saul s'il était possible. « Il s'agit de l'église en fer, mon père. Il dit que les matériaux sont arrivés. Il désire que vous alliez avec lui à Camberley Green pour voir l'emplacement. Je croyais que c'était tout arrangé. Il dit que non. Peu importe l'emplacement de l'église, qu'il la mette où il voudra sur la pelouse. Cependant, je ferai mieux de lui parler. » M. Clavering sortit de l'appartement. Camberley Green était un hameau de la paroisse de Clavering, situé à 3 000 de l'église paroissiale et dont les habitants avaient contracté la criminelle habitude de fréquenter une chapelle de dissidents dans le voisinage. Grâce à l'énergie de M. Saul et aux libéralités de M. Clavering, on avait acheté une chapelle tout en fonte pour 150 livres sterling, et M. Saul se proposait d'ajouter à ses occupations la tâche agréable d'aller tous les dimanches matins avant déjeuner et tous les mercredis dans l'après-midi célébrer un service dans la chapelle et de ramener au giron de l'église les brebis égarées qu'il pourrait atteindre à Camberley Green. Pour l'achat de l'édifice, M. Clavering avait donné 2 500 francs. Sir Hughes, après s'être fait répéter 5 fois la demande, avait envoyé, avec beaucoup de mauvaise grâce et par son intendant, la somme de 250 francs. Parmi les fermiers de l'endroit, une quête avait produit 37 francs 25 centimes. M. Saul avait donné 50 francs, Mrs. Clavering 125 francs, ses filles chacune 12 francs 50, Harry Clavering 125 francs, et enfin son père avait parfait la somme. Le pauvre M. Saul avait 3 fois fait péniblement le voyage de Bristol pour négocier l'achat de la chapelle, prenant chaque fois la 3e classe et avait écrit toutes les lettres. Mais Mrs. Clavering avait payé les frais de poste et elle travaillait avec ses 2 filles à faire la garniture du petit hôtel. « Eh bien, Harry, est-ce une affaire arrangée ?» dit Fanny, restée avec son frère et se penchant sur sa chaise. C'était une jolie fille, pleine de gaieté et d'entrain, aux yeux vifs et brillants, avec une longue chevelure d'un noir foncé qui retombait en grosses boucles derrière ses oreilles. « Mon père n'a rien dit qui peut me faire changer d'avis. Je sais que cela le contrarie très vivement. Non, Fanny, pas si vivement que vous croyez. Il aimerait me voir entrer dans l'église, mais c'est tout. Eh bien, je crois que vous faites bien. Et Marie dit que j'ai tort. Naturellement, je penserais de même, peut-être, si j'étais comme elle, fiancé à clergyman. C'est toujours l'histoire du renard qui a perdu sa queue à la bataille. Marie croit qu'aucune profession n'est comparable à la carrière ecclésiastique. Mais maman, bien qu'elle ne vous l'ait pas dit, est tout à fait de votre avis. Elle ne le dira pas de sitôt, pour ne pas contrarier papa, mais je sais qu'elle est bien aise de votre détermination. Et moi aussi, Fanny, et comme je suis le plus intéressé dans l'affaire, je crois que c'est le point le plus important. » Tous deux allaient rejoindre leur père au salon. M. Clavering disait à son vicaire, « Ne pourriez-vous pas mener Mrs. Clavering dans le panier avec le bonnet et arranger la chose à vous deux ?» M. Saul parut tout désappointé. En premier lieu, il avait horreur du poney, petit animal vif et entêté qui lui avait joué plus d'un tour, et ensuite il croyait que le recteur se devait à lui-même de visiter la localité en cette occasion. « Mrs. Clavering se chargera de conduire, » reprit le recteur, prévenant l'objection de M. Saul au sujet du poney. M. Saul n'en paraissait pas moins déconcerté. M. Saul était un homme très long et très mince, avec une tête petite et oblongue, des yeux faibles, un nez fin et bien dessiné, presque pas de lèvres, des dents extrêmement blanches, pas de barbe et un menton très bien fait. Il était si maigre que les pommets de ses joues faisaient une saillie presque désagréable. Il portait une redingote noire usée, un gilet montant noir et rayé, et des pantalons brunis par la boue des chemins et les mauvais jours qu'ils avaient connus. Malgré tout, il ne venait jamais à la pensée de personne que M. Saul n'eût pas l'air d'un parfait gentleman. Quant à lui, c'était un point qui ne l'avait jamais préoccupé. Il savait cependant qu'il était un gentleman et son attitude envers Sir Hughes et sa femme était tout aussi aisée et naturelle que lorsqu'il était au presbytère. Une fois ou deux, il avait dîné dans la grande maison, mais Lady Clavering l'avait trouvé ennuyeux et Sir Hughes avait vu en lui le plus désagréable de tous les animaux, un faquin clérical. On avait donc décidé qu'il n'en recevrait plus d'invitation. Il est vrai de dire aussi que M. Clavering paraissait rarement à la table de son neveu. Il le faisait dans certaines occasions pour éviter qu'on ne crût à une brouille entre lui et Sir Hughes. Mais ses visites étaient peu nombreuses et à de longs intervalles. Sur quelques mots de plus de M. Saul et un coup d'œil que lui lança sa femme, M. Clavering consentit à aller à Camberley Green, bien que rien ne pût lui être moins agréable qu'une matinée passée dans la compagnie de son vicaire. Après son départ, Henry fit part de sa décision à sa mère. « J'irai demain à Stratton, lui dit-il, et je ferai mes arrangements. » Et qu'en dit votre père ? Toujours la même chose. Ce n'est pas qu'il tienne à me voir devenir un clergyman, mais il regrette que j'ai perdu mon temps jusqu'ici. « Je crois qu'il a d'autres raisons, Harry, » interrompit sa sœur aînée. « Grande fille moins jolie que sa sœur, et en apparence moins préoccupée de sa beauté, très calme et très réservée, mais passant pour avoir un cœur d'or aux yeux de tous ceux qui la connaissaient bien. « J'en doute, » reprit Harry vivement, « mais quoi qu'il en soit, un homme doit faire son choix lui-même. » « Nous pensons que ce choix était fait, » dit Marie. « Si c'est une affaire conclue, » reprit la mère, « je ne vois pas à quoi il servirait de nous y opposer. Vous le voyez, ma mère, l'Église ne saurait offrir à mon ambition une carrière comme je la souhaiterais. Regardez Locke, Stephenson et Brassey. Voilà les hommes qui, à mes yeux, sont utiles dans le monde. Ce sont des hommes qui ont fait leur éducation. Mais à coup sûr, je ne saurais m'en trouver plus mal pour avoir appris quelque chose. Regardez le vieux Belby, qui a un siège au Parlement et qui est riche à 300 000 livres sterling. À mon âge, il n'avait pour toute fortune que ses gages de la semaine. J'ignore si M. Bailey est un homme de bien et s'il est heureux, reprit Marie. Ni moi non plus, dit Henry, mais je sais qu'il est l'auteur d'un pont à une seule arche, le plus large et le plus hardi qu'on ait encore construit, et cela devrait le rendre heureux. Ayant dit ces mots d'un ton grave et digne, comme il convient à un agrégé d'université, il sortit, laissant sa mère et sa sœur discuter ce sujet qui, pour deux d'entre les trois femmes, avait une importance capitale. Quant à Marie, elle avait ses préoccupations et ses espérances, qui toutes se reportaient sur un jeune vicaire d'une paroisse voisine.